1. Elle est française? Non, elle est belge. 2. Vous êtes directeur commercial? Non, je suis dentiste. 3. La directrice, c'est vous? Mais non, je suis photographe.